Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de GANIME 2012. Alors oui, on continue avec l'émission spéciale de Puissance Maximale ici à GANIME 2012. Et là, je suis avec un autre artisan finalement de la convention, monsieur Mathieu Charron, qui est directeur technique, si on veut, de la convention. Salut Mathieu. Bonjour, bonjour. On a déjà travaillé ensemble dans d'autres conventions. Ici aussi, on collabore toujours un peu. Mais là, toi, tu es vraiment le directeur technique. Tu t'es même développé une entreprise reliée un peu à tes expertises. Mais ça part de où, finalement? Comment tu es arrivé à GANIME? Ah, ça, c'est une belle histoire. J'ai mentionné mon nom sur la première année pour dire que je peux peut-être aider pour les DJ. Et je me suis fait enrôler au sein de GANIME en tant que technicien du festival. Et de fil en aiguille, je me suis ramassé comme étant le directeur technique cette année. Parce que depuis deux ans, je dirais, on a quelque chose d'assez intéressant côté de la technique chez GANIME. On a, entre autres, la diffusion live sur Internet en streaming, des événements importants comme, entre autres, la mascarade et aussi le concours d'AMV. Mais ça, c'est ton idée, c'est toi qui as décidé d'essayer ça à GANIME en convention? Oui et non. Les faire à un plus grande échelle, oui, mais les deux premières années, comme notre festival, notre concours d'AMV, excusez-moi, GAMV, principalement un festival français et a des inscriptions francophones, les premières années ont été faites par l'équipe de AMV Canada et ils l'ont diffusé en direct. J'ai décidé de poursuivre l'initiative et c'est ainsi que plusieurs événements cette année sont diffusés en direct sur Internet. C'est parti finalement d'une activité vous aviez déjà à GANIME puis qu'on voulait finalement offrir plus à des gens qui étaient pas à la convention, peut-être pour les attirer. Puis je sais que tu utilises aussi cette expertise-là dans d'autres conventions. Maintenant, qu'est-ce que ça te prend comme préparation? Parce que ça doit être assez énorme, parce qu'il faut vous avez aussi votre propre système de diffusion dans les salles de projection. C'est tout automatisé. Vous n'avez pas besoin vraiment de vous présenter dans les salles pour changer des DVD et tout. Ça doit prendre quand même, premièrement, un bon budget, mais beaucoup de temps de préparation. Le budget, c'est relatif. On trouve souvent de l'équipement qui va faire le travail. Côté préparation, c'est beaucoup d'heures à briper des DVD, les mettre sur les systèmes, s'assurer que tout fonctionne. On a eu quelques problèmes par les années passées, mais cette année, à part quelques petits problèmes qui sont vraiment mineurs et qui n'ont pas relié directement au système, tout a fonctionné sur deux roulettes. Ça nous évite d'avoir à courir partout pour partir nos choses à temps. On a vu la caméra. Moi, j'étais à la mascarade. J'assistais à toute la mascarade cette année. Et j'ai vu que on avait plusieurs caméras. En fait, je pense qu'il y en avait trois. Une sur un rail improvisé qui marchait très bien. On a une caméra sur un bras télescopique aussi. Puis on a la caméra de fond de salle. Ça a dû quand même. C'est cette année, vous avez décidé de présenter ça en grand, finalement? Ou c'est toi, je sais que tu t'es, comme on disait tantôt, une entreprise Iberia pour faire la diffusion en direct. Est-ce que tu testes aussi tes choses en convention? Effectivement, j'ai parti Iberia en avril en 2011, justement en lien direct avec GANIME pour réduire le stress technique au niveau de GANIME et en même temps dans d'autres conventions, je l'espère. Et c'est la raison pour laquelle on a plusieurs caméras ici. Certains, c'est l'équipement loué, d'autres, c'est prêté par certaines personnes qu'on connaît. On a eu plusieurs pratiques pré-événements pour s'assurer que tout fonctionnait, que notre équipement était fonctionnel, beaucoup d'achats d'équipement. Donc, présentement, quels sont les projets futurs d'Iberia? Est-ce que là, présentement, tu veux simplement rester dans les conventions, offrir tes services dans d'autres conventions? Ou tu veux aller vers peut-être d'autres événements aussi? Moi, je suis toujours ouvert à d'autres événements. Pour le moment, on a eu la lutte le vendredi soir, qui était un événement en pay-per-view qui a très bien fonctionné. On a eu plusieurs personnes. L'équipe a été excessivement satisfaite. C'est peut-être une avenue qu'on va explorer, faire d'autres événements spéciaux comme de la lutte ou d'autres choses ou des spectacles. Définitivement poursuivre avec l'expertise que j'ai gagnée ici à GANIME dans d'autres conventions. Il y a Kabikimono, Nadeshikon, Otakuton, Anime North. Je suis en contact avec toutes les équipes techniques de ces conventions-là. Donc, peut-être un jour, on va voir un peu plus partout. Ben oui, c'est intéressant. J'ai assisté aussi à quelques matchs, justement, de la lutte. Je peux vous dire que ça fait différent. C'est vraiment intéressant. Puis c'était vraiment un bon choix à voir pour ceux qui ont pu voir ça directement sur Internet aussi. Ça valait la peine. Puis c'était une bonne initiative, effectivement. Donc, je voudrais remercier M. Mathieu Charron qui est avec nous pour une petite entrevue à GANIME 2012. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Et on continue avec Puissance Maximale.